vraiment fiable. Quel chien m'a trahi, ils sont pleins de bluffs, rien de neuf, sous les chiens on trahit. Poésie du pauvre, né dans les enfers Caraïbes, nul ne peut braquer l'amour, quel que soit le calibre. La bête est gourmande, les puissants maintiennent le peuple dans la tourmente. Et ils nous demandent comment éviter l'apocalypse. Commence par planter un arbre à chaque fois que ces fils de plouc mentent. Frérot, c'est que de la sueur avant le trophée. Sur le chemin, pas un seul trèfle à quatre feuilles. La déesse des ombres tape nude intégrale, remue son gros boccio sur mon flot impeccable. 1,5K et un féca, que te coûtera de mes versets sur une détraque. Ou laisse-moi ronfler dans ce coma impérial. Si papillon se réveille, personne ne s'en remettra. Un jour tu pleures, un jour tu brilles. Hey. J'suis moi-même, tu peux tout lire dans ma pupille. Y'a pas de thème, j'y pète en plein hommage ultime. Oui. C'est Crone qui frotte la feutrine. Oui. Un jour tu pleures, un jour tu brilles. J'suis moi-même, tu peux tout lire dans ma pupille. Just listen si Dieu veut, disque de platine. Deuxième round dans le building. Yeah. Combien de fois j'ai dû repartir à zéro, buvant la tasse quand il prenait l'apéro. Si les barreaux t'as dans le cerveau, crois-moi c'est un fléau. Si ton goal est manchot, faut gagner avant les pénaux. Va dire à Marianne qu'il faut que les portes se débloquent avant que je mette du sky dans mon bol de Kellogg's. Claque la porte de l'école, le square une salle de classe. Côtoie le sac de sable, il te faut la gauche de l'Enox. Marre de rater le coche là, là je vais viser le top. Dis à Mary Bock qu'on va quitter les starting blocks. On a gratté le sol, ouais maintenant je veux quitter le socle. Bellec les balles coche quand pleurent les Kalachnikov. Et si madame chipote, pas grave, j'irai baiser le monde. Ici y'a pas de sinoche, le glace sonne avec le gong. Pas squatter d'onde, pourtant hauteur de bombe. La route est longue mais sous le capot le moteur gronde. J'étais aveugle croyant en la force du nombre. Maintenant je me sens seul quand la pièce est noire de monde. Un jour tu pleures, un jour tu brilles. J'suis moi-même, tu peux tout lire dans ma pupille. Y'a pas de thème, j'y pète en plein hommage ultime. C'est Crone qui frotte la feutrine. Un jour tu pleures, un jour tu brilles. J'suis moi-même, tu peux tout lire dans ma pupille. Just listen si Dieu veut, disque de platine. Deuxième round dans le building. Rouler en vide teinté, veut pas dire être planqué. Et je me trouve carrément doué pour les appels manqués. Un homme averti en vaut un qui n'est pas occupamos. Un clavier azerty te transforme en tout carantanos. Un gros gamos pouf à Dubaï, dealer de la cesse de l'herbe. Est-ce que les rappeurs font tous le même rêve de merde? Le débat t'a mis en transe devant ton ordi, vas-y. T'as l'air d'avoir autant de sens de l'échange que les nazis. La zine voit gueule sur ses mioches et me tire de mon sommeil. Dehors le temps est moche et je vais devoir me faire moi-même le soleil. J'ai pas grossi les rangs des clones, j'accuse un manque de com. Le spectacle appelle ça des icônes, je vois des oncles Tom. J'prends ma bouffe et de CO2 vu qu'on a rien de plus pur. J'aurai le sourire aux lèvres après quelques points de suture. J'entends des petits m'appeler l'ancien mais c'est pas ça le plus dur. Le truc c'est que quand moi je les vois, bah je vois pas le futur.